Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on va parler de chaussures. C'est toujours très bizarre de faire des introductions comme ça où on parle d'autre chose. Que d'oiseaux. Tu sais qu'on est censé parler d'ornitho quand même, hein, parce que bon, les chaussures, la dernière fois c'était quoi, je sais plus, on a même parlé d'amour, gloire et piou-piou. Ah oui, moment, oui. Bah après, après Madame dit ça, mais c'est elle qui nous parle de mise en pli dans un épisode. Non, mais c'est, oui, mais bon, c'était des plumes quand même, non. C'est vrai, c'est vrai, alors que moi j'ai aucune excuse, voilà, puisque c'est pas sur un oiseau. Mais, Ah bon? Ah, parce qu'en plus, c'est même pas sur un oiseau. Moi, je me disais, c'est des oiseaux qui portent des chaussures, peut-être, tu vois. Je me disais, ça aurait pu. Il y avait eu des gens qui avaient inventé, justement, des espèces de chaussures pour des oiseaux qui étaient unijambistes. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Ça me dit quelque chose, effectivement. C'était une image qui circulait beaucoup sur Internet, fut un temps. D'accord. Donc, voilà, il y avait... Mais non, on ne va pas parler non plus d'oiseaux unijambistes. Mais on aura l'occasion de dévoiler tout ça dans la toute première partie de l'émission. Mais rassurez-vous, ça a un rapport avec les oiseaux. Et notamment le gypaète barbu. Encore lui. Bon, exclusivement même le gypaète barbu. Et toi, Sophie, de quoi tu vas nous parler? Moi, je vais parler d'un pont. Un pont trop loin. Enfin bref, voilà. Ce genre de pont. Un pont pas très utile, visiblement. Bah, c'est un pont, quoi. C'est toujours utile, un pont. Mais on va en parler. On va voir ce qui se passe avec ce pont. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Au fait, Sophie, ça fait 2 minutes qu'est commencée l'émission. Comment tu vas? Ça fait 2 minutes, dans le c'est vrai. Non, bah, on fait tout dans le désordre. Voilà. Moi, ça va. On s'est pris quelques orages, là, de mon côté. J'ai dû aller attacher un citronnier dans le jardin parce qu'il menaçait de tomber. Mais sinon, tout va bien. Ah mince. Voilà. Bon. On a failli se prendre quelques briques sur la tête aussi. Mais ça va bien. On est bien. Ah bah, ça a l'air d'être dangereux. C'est la tornade balai chez vous. Ah bon, c'est un peu ça, oui. Des fois, il y en a des petites tornades dans le coin. C'est vrai. Bon, et toi, du coup, ça va? Pas de briques? Tout va bien? Écoute, non, pas de briques, non, ça va. Pas de briques. Des pouillots, des rouges-gorges, des merles, mais pas de briques, c'est bien, pas ça. Encore. Ouais, ça va. Bon. On s'en sort pas trop mal. Bref, avant de démarrer nos deux sujets et de vous parler notamment donc de chaussures, on va débuter notre rétro. Sophie, qu'est-ce que tu as découvert dans le petit monde ornithologique ces derniers jours? Alors moi, juste un petit article qui est sorti là début octobre dans un journal, dans le Zoological Journal de la Linnean Society, qui nous explique que quand vous êtes un passereau et que vous vivez au niveau des tropiques, et ben vos plumes elles poussent plus vite que si vous vivez dans un autre climat, notamment en Europe. Voilà. Et donc c'est assez marrant parce que c'est totalement indépendant de votre famille ou de votre genre ou de votre espèce. En fait, tous les passereaux qui vivent sous ces latitudes ont clairement évolué une manière de faire pousser leurs plumes plus rapidement. Donc les plumes des ailes, pas les plumes de la queue, faut être assez spécifique sur ce point-là. Les plumes des ailes poussent donc plus vite chez les passereaux qui sont en milieu tropical que chez les passereaux qui habitent en Europe. Et c'est assez marrant parce que du coup, ce n'est pas en fonction de la famille à laquelle vous appartenez, c'est vraiment tous les oiseaux qui habitent dans cette zone-là. Eh ben, ils ont cette adaptation. Alors, ils savent pas trop pourquoi pour le moment, mais en tout cas, c'est assez intéressant comme trouvaille. Eh ben, moi, j'en ai fait une autre trouvaille, Sophie. On va enfin pouvoir répondre. On va pouvoir enfin poser une première réponse, à savoir si les autocollants sur les vitres sont efficaces ou pas. Vous savez, on colle effectivement des autocollants en forme d'oiseaux pour éviter que les oiseaux ne se cognent contre les fenêtres. Eh bien, le Cornell Lab of Ornithology a mené sa petite enquête. Et à travers un système assez simple de tunnels et de vitres, mais aussi de filets pour éviter que les oiseaux ne percutent les glaces, eh bien, on a essayé de déterminer effectivement si les oiseaux étaient plus ou moins répulsés par la présence de ces stickers. Eh bien, Sophie, c'est un énorme non à 95%. Alors, est-ce qu'ils ont testé juste les formes oiseaux ou les formes géométriques? Parce que tu sais qu'on en avait parlé un moment, du fait d'avoir des points à intervalles réguliers, Eh c'était à moins bien, de 3 cm les uns des justement, autres. effectivement, il Ah. semblerait que les points sur les fenêtres soient beaucoup plus efficaces Oui, que les d'accord. fameuses figures d'oiseaux. Alors malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus puisque c'est uniquement, on va dire, un résumé vidéo d'une étude qui a été réalisée, mais je n'ai pas réussi à trouver cette étude en question, donc je suppose qu'elle va sortir d'ici quelques semaines, voire d'ici quelques mois. Mais voilà, en tout cas, on a une première réponse sur la non-utilité des stickers en forme d'oiseau, donc n'utilisez pas des stickers en forme d'oiseau, ça ne sert à rien. Bah c'est joli, ça fait déco quand même, non? C'est joli, mais c'est pas très très pratique pour arrêter les oiseaux Dites. et leurs collisions. On rappelle, 1 milliard d'oiseaux meurent dans des collisions chaque année, rien qu'aux États-Unis. Donc voilà, c'est Ouais. une mortalité très Pas importante. terrible. Ça dit par chez nous aussi, hein. Je me souviens encore cet été quand j'étais en France, on a entendu un gros boung et puis bah il y avait un oiseau qui s'était cogné la tête contre la porte-fenêtre. Alors ce n'est pas c'est pas seulement aux US, hein, Ah c'est un non, peu non, partout. clairement pas, mais on a la chance d'avoir des chiffres assez précis aux États-Unis qui avaient été en plus révisés, on en avait discuté ensemble, qui ont été révisés à la hausse parce que on était avant sur une grosse fourchette de, je crois, 650 millions à 1 milliard, et puis on est effectivement beaucoup plus proche du milliard d'après une étude qui était sortie l'année dernière, et je crois qu'on l'avait commenté dans le courrier de la Stern. Oui, effectivement. Bon, bah c'est pas terrible tout ça, Eh non, hélas. malheureusement. Bon, de mon côté, une petite news comme ça. Est-ce que tu connais l'IUCN? Bien sûr. Bien sûr. Eh ben, ça y est, c'est cette année à nouveau que se tient le congrès de l'IUCN. C'est tous les 4 ans, si vous vous en souvenez. Et donc, évidemment, beaucoup d'associations de défense de la nature en font partie, y compris eh ben, toutes celles qui s'occupent des oiseaux. Donc, si vous voulez voir, il y a en ce moment plus de 10 000 représentants de gouvernements, d'organisations diverses et variées, de NGO, enfin bref, de plein de choses différentes qui se sont réunies. Alors, pas n'importe où, ils sont à Abu Dhabi en ce moment. Et ils vont discuter un petit peu du futur de la conservation dans le monde. Alors, j'espère que je pourrai vous donner un petit résumé de ce qui a été décidé la semaine prochaine, parce que ça va durer quelques jours. Et puis, bah, on en reparlera, donc quand ce sera terminé. Eh ben, je vais même en Voilà. reparler maintenant, Sophie, C'est parce qu'on vrai? a eu une révision d'oiseaux, 1 300 espèces qui ont été révisées par justement l'Union internationale pour la conservation de la nature. Alors je ne sais pas comment s'est opérée cette révision, si c'est une opération qui est davantage réalisée par famille ou par géographie des espèces présentes. Donc voilà, 1 300 espèces qui ont été révisées. Il y a d'ailleurs un document Excel que vous pouvez télécharger sur le site de BirdLife International justement pour voir un petit peu ce qui a changé. Alors je ne vais pas rentrer dans le total des différentes espèces, parce que sinon il nous faudrait faire un épisode de 4 heures. Mais grosso modo, on Oui. a des espèces qui se portent bien mieux, comme par exemple le pigeon Delphinstone. Alors non, nous ne sommes pas dans un jeu vidéo de fantasy, c'est bien un oiseau qui existe, qui lui était considéré vulnérable et qui est passé préoccupation mineure. Voilà, incroyable. Et bien évidemment, on a l'autre versant du spectre avec par exemple l'étourneau Jalak qui lui est déclaré en danger critique d'extinction, voire peut-être éteint à la vie sauvage puisqu'il reste énormément d'individus qui seraient vendus sur les marchés d'Indonésie puisque c'est généralement sur les îles indonésiennes et notamment Java et Bali que l'on trouve cet oiseau magnifique. Mais malheureusement peut-être éteint définitivement à la vie sauvage. Donc voilà, toute cette révision, vous allez pouvoir la retrouver dans un petit Excel qui est disponible, eh bien, avec le comment dire, le petit document qu'on vous fournira de BirdLife International. En sachant aussi, et ça, on va finir là-dessus, qu'il y a toute une, on va dire, liste qui permet de déterminer un petit peu quelles sont bah, finalement la place des oiseaux par rapport au nombre d'espèces menacées. On a 8 757 espèces en préoccupation mineure. Donc là, on parle uniquement d'oiseaux, ce qui est quand même un bon gros chiffre hein, quand on y pense. Bah sur les quelques 11 000 espèces Sur les d'oiseaux dans le quelques monde, c'est 11 000 déjà pas espèces mal. d'oiseaux, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Et pour les espèces qui sont les plus menacées, eh bien, on est aux alentours de 1 000 espèces. Donc 668 en vulnérables, 372 en danger et 216 quand même en danger critique d'extinction, ce qui fait quand même beaucoup, même si on a perdu 7 espèces en danger critique d'extinction, ce qui veut dire que on a 7 espèces qui se portent mieux que par le passé. À noter qu'on a 164 espèces qui sont considérées éteintes définitivement. Alors pas justement le courlier à bec grêle qui a été classé en danger critique d'extinction, je sais pas pourquoi, alors que justement il y a un papier qui est sorti pas plus tard que la semaine dernière qui justement présentait la disparition définitive de cet oiseau. On en avait aussi discuté dans le courrier de la Stern, c'était l'épisode 90, puisque j'ai eu l'occasion de le repartager à l'occasion de la sortie de ce papier sur les réseaux. Voilà. D'accord. Eh oui, mais à noter, ça dit que dans les 8000 espèces qui sont pas en danger d'extinction ou quoi que ce soit vulnérables, il y a aussi beaucoup d'espèces qui n'ont pas été étudiées. Donc en fait, on ne sait pas où elles en sont du tout. Donc c'est sûr que si vous n'êtes pas étudié comme espèce, on ne pourra pas savoir si vous portez bien ou pas du tout. On considère 36 espèces dont les données sont déficientes. Donc, data deficient. Par contre, ce qui est assez intéressant, et je vais rebondir là-dessus, c'est que même si on a 8757 espèces qui se portent très bien, 60% de ces espèces auraient perdu une partie de leur population. En plus, oui. Donc, c'est pas parce qu'on est en préoccupation mineure maintenant qu'on le restera encore longtemps. Non, c'est sûr. Voilà. Et puis, à noter aussi qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on va classer dans une catégorie ou une autre, parce que ça va permettre après de les classer différemment sur la CITES. Différents appendices pour une meilleure protection ou une protection un peu moindre, en fonction de ce qu'on a envie d'en faire. Sachant qu'évidemment, il y a des règles de partout, comme d'habitude. Alors, c'est plus ou moins facile quand vous êtes sur un côté ou un autre de l'appendice. Par exemple, on ne peut pas en échanger. Si vous êtes en appendix 1, ça va être compliqué de les faire bouger à droite à gauche. Donc, par exemple, de les reproduire en captivité pour les faire relâcher dans la nature après, ce n'est plus possible lorsque vous êtes en CITES 1. Et par contre, ça va être un peu plus compliqué pour d'autres choses et plus simple pour les protéger sur place. Enfin bref, c'est assez complexe tout ça. Donc, il y a aussi beaucoup d'histoires politiques et d'histoires de... Je veux protéger de telle manière ou j'ai telle action à effectuer au niveau conservation. Donc c'est... Ou je ne veux pas protéger. C'est compliqué. Je ne veux pas protéger les espèces en question. Bon. Voilà, exactement. Considération politique. Il y a beaucoup de choses de ce style-là aussi. Malheureusement. C'est sur ces considérations que nous allons conclure cette rétro. On va parler d'ici quelques instants de chaussures. Ce sera après cette petite coupure musicale. Alors Sophie, chaussures. Chaussures et jipettes barbues. Ça va. Je ne sais pas. On joue à mot de passe. Allez, c'est Camoulox. Parti. Camoulox, si tu veux. On va parler donc du jipette barbu. C'est une étude qui a été écrite le 11 septembre dernier, ou plutôt elle a été publiée le 11 septembre dernier. C'est marrant parce que le jipette barbu, j'aurais pas pensé parler de chaussures avec lui. Moi, je serais plus parti sur l'aigle botté à la rigueur, mais le jipette barbu, j'aurais pas. Je t'avoue que c'était pas parti pour. On va voir d'ici quelques instants. On va tester. J'espère. Ecological Society of America, c'est là où on retrouve l'étude. Et donc, on va parler du jipette barbu. On avait déjà eu l'occasion de parler de cet oiseau. C'est le vautour le plus en danger d'Europe. 309 couples existants encore. C'est donc très très peu. 144 dans les Pyrénées, c'est énorme. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant dans les Pyrénées. Et c'était un oiseau donc, qui, à l'époque, avait une aire de répartition beaucoup plus importante, puisqu'on pouvait l'apercevoir dans d'autres montagnes d'Europe, et notamment dans la péninsule ibérique. Il nichait en fait dans les falaises, et notamment dans les contreforts des falaises, qu'il abritait à la fois de la pluie, du vent et de tout ce qui pouvait quelque part décomposer les nids. Et ce microclimat fait en sorte que les nids sont restés jusqu'à aujourd'hui quand bien même, eh bien, il n'y a plus de gypaètes barbus dans cette zone. Et c'est ça qui va être intéressant. Donc, on avait évoqué, Sophie, avec toi, on avait évoqué la réutilisation de certains nids de rapaces, parfois sur plus de 2500 ans. Tu sais, on avait analysé les fientes des oiseaux au carbone 14 et on avait déterminé que ces nids avaient cet âge. Et puis plus récemment, on avait évoqué le cas de la foulque macroule d'Amsterdam qui se servait d'objets récupérés des humains, donc des déchets. On avait parlé donc de papier, on avait parlé de masques aussi, qui renseignait un petit peu sur l'époque dans laquelle les nids avaient été construites. Et eh bien, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, même maintenant, l'utilisation de déchets humains, d'une certaine manière, pour les nids. Parfois, ça a même certaines vertus, comme par exemple les cigarettes qui sont utilisées pour repousser les parasites, notamment chez les moineaux domestiques. C'est une expérience qui avait été menée à Paris il y a quelques années. Eh bien, il faut savoir que les vautours de la péninsule ibérique y faisaient de même, Sophie. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'entre 2008 et 2014, des chercheurs donc, ont mené des recherches sur 50 nids, dont 12 ont été examinés en utilisant la même méthode qu'on avait vue ensemble sur l'étude de la foulque macroule, la méthode stratigraphique. La méthode stratigraphique, en quoi elle consiste ? Elle consiste eh bien, justement à extraire différents objets pour ensuite eh bien, en déterminer l'âge et donc potentiellement déterminer depuis combien de temps les nids avaient été construits dans ces différentes zones. Alors Sophie, à ton avis, qu'ont-ils trouvé de gypaète barbu dans le nid, pardon, du gypaète barbu, plutôt, parce que deux gypaètes barbus, ils n'ont pas malheureusement trouvé grand-chose, étant donné que l'animal était absent depuis environ 150, voire 200 ans, voire peut-être un petit peu moins. Qu'ont-ils trouvé, à ton avis, dans ces nids ? Eh bien, vu qu'on va parler de chaussures, j'imagine qu'ils ont trouvé des savates. Exactement, mais encore. je sais pas, des petites bottines, des sandales... Bon, bah, déjà, des baskets. Un truc tout bête, Sophie. Qui dit gypaète barbu dit des os. Oui, bah, ça c'est sûr. Enfin, j'étais partie sur un truc plus humain, du coup. Justement, 2117 os ont été retrouvés, dont 226 appartenant à des humains. Effectivement, ah oui, voilà. D'accord. Non, bah, c'est bien, ils font leur rôle de nettoyeur. Je salue l'effort, c'est très bien. Merci. On a retrouvé des coquilles d'œufs, 43 coquilles d'œufs qui ont été retrouvées dans ces nids. Et puis, bah, comme tu l'as dit, on a retrouvé des chaussures, des vêtements, bien sûr, puisque bah, avec tout ce qui était chaussures, on a retrouvé aussi d'autres de ces vêtements, des objets qui ont été fabriqués en feuilles de Sparte, dont notamment des lance-pierres. Oh, voilà. D'accord. Des cheveux, parce que bah, qui dit... Oui. Qui dit humain dit sans doute reste de chevaux, des bouts de ceinture et même un carreau d'arbalète. Pourquoi un carreau d'arbalète, je ne sais pas. Mais on a retrouvé... Ça venait peut-être avec un cadavre, tu sais. Ah, c'est possible. C'est bien possible que ce soit effectivement un cadavre. Bon, en tout cas, voilà, ils ont trouvé des trucs très très sympathiques dans cette, dans cette étude. Et puis par la suite, eh bien, ils se sont décidés à faire bah, de la datation au carbone 14 pour savoir eh bien, quel âge avaient ces différents objets que l'on pouvait retrouver. Donc ils ont été au laboratoire de Ion Beam Physics de Zurich pour trouver les âges. Et à ton avis, Sophie, on parlait justement de sandales tout à l'heure. De quand remonte, à ton avis, l'objet le plus ancien ? Le carreau d'arbalète, déjà, c'est pas récent. C'est vrai. Donc, après, je sais pas. Donc, des bouts de ceinture, tu disais. Bon, j'imagine que c'est la chaussure la plus ancienne. Donc, ça doit être une sandale, peut-être, avant le Moyen-Âge, peut-être, dans ces eaux-là. Avant le Moyen-Âge. On est, en tout cas, dans le Moyen-Âge. À peu près 651 années avant le présent, sachant que le présent n'est pas le présent d'aujourd'hui, mais le présent de 1950, puisque la datation au carbone 14 s'arrête en 1950, là où on considère que la concentration, en gaz, pas en gaz, en produits radioactifs est trop importante pour pouvoir déterminer avec précision la datation au carbone 14. Et donc, effectivement, ça remonterait donc à 650 années, donc à peu près 750 ans pour nous, un petit peu moins, 700, 725 ans à peu près pour nous, ce qui est absolument énorme. Effectivement, ça nous fait remonter aux alentours du 13e, 14e siècle, ce qui signifie qu'il y avait des gypaètes barbus déjà au 13e siècle ou au 14e siècle dans ces régions. Parce que c'est ça qui est assez intéressant, finalement, avec cette étude, plus que le fait de vous dire qu'on a retrouvé des sandales, c'est qu'on est non seulement capable, à travers donc, les différents restes d'animaux, principalement d'ongulés d'ailleurs, d'établir le profil alimentaire de l'oiseau. Tous les restes nous donnent des informations sur l'abondance et la distribution des animaux dans la zone fut longtemps, ce qui est logique parce que quand on retrouve beaucoup d'ongulés, on devait avoir beaucoup d'ongulés qui s'y déplaçaient. Donc on avait justement un écosystème qui était différent de l'écosystème que l'on connaît aujourd'hui, mais aussi les interactions avec les humains. Et tout ça donne des informations sur les changements qui ont eu lieu et nous permettent quelque part de voir ce que l'on pourrait faire pour faciliter quelque part la réintroduction des gypaètes barbus aujourd'hui. En faisant par exemple des comparaisons de toxicologie avec les objets qui ont été retrouvés dans les nids et des objets que l'on pourrait utiliser au quotidien, on pourrait par exemple déterminer les raisons de la disparition des oiseaux. Avec les objets ethnographiques, on est capable de balayer quelque part une zone de répartition à la fois de l'animal mais aussi des humains, puisque des objets qui ont été retrouvés dans les nids ont été également identifiés à 35 km des nids étudiés. Donc ça nous permet quelque part de tracer de tracer l'itinéraire de ces différentes populations. Et puis, comme je l'ai dit, c'est des informations nécessaires pour permettre le rétablissement de l'espèce en Europe, hiérarchiser les efforts de conservation et sélectionner les meilleurs sites de relâcher. Parce que si on connaît les environnements qui étaient les plus propices justement à l'épanouissement du gypaète barbu, on peut être capable maintenant de pouvoir quelque part le recibuler pour permettre au gypaète et à d'autres oiseaux d'ailleurs, je parle du gypaète mais c'est pas uniquement le cas du gypaète, on peut être capable justement de simuler de meilleures conditions pour que l'animal s'épanouisse pour que l'animal se réépanouisse à nouveau. Eh ben oui, c'est une très bonne idée. Surtout avec le GPS qui est quand même en danger critique d'extinction, mine de rien. Absolument. Ça serait bien, de... Je dis, en Europe, il commence à revenir quand même, le GPS. Il est reparti de loin, mais ça y est, ça commence à revenir à la population. C'est pas... 20 ans de conservation, d'efforts de conservation pour le GPS, ça a fini par porter ses fruits. Ah ben, ça porte toujours ses fruits, mais le tout, c'est surtout la longueur du projet... Plus le projet sera maintenu longtemps, plus effectivement on aura de véritables chances justement que la population se rétablisse. Et pourquoi pas justement dans ces zones-là où il était présent, comme dans la péninsule ibérique il y a 600 ans. Et il y a un autre truc qui est assez intéressant dans l'étude que je n'ai pas mentionné, c'est que parfois des nids ont été construits les uns à côté des autres, ou en tout cas à proximité, sur on va dire plusieurs centaines d'années. Il y a des objets qui ont été retrouvés effectivement du 13e siècle dans un nid, et dans un qui avait été fait à quelques encablures de là, on avait remarqué que le nid avait peut-être 250 ou 300 ans de moins. Donc ça nous dit aussi des informations sur un peu la dynamique de population qui s'engageait à l'époque. Ok, bon, c'est pas intéressant. Mais oui. Ah, mais c'est chouette. Donc ils ont prévu de faire ça pour d'autres espèces ou pas du tout ? Non, c'est vraiment, ils l'ont fait juste, juste ici. Ils disent que grosso modo, en conclusion, c'est qu'il faudrait qu'il y ait davantage de forces qui s'unissent, notamment entre naturalistes et historiens, pour justement déterminer davantage ce genre de relation avec d'autres espèces, voire avec d'autres ethnies, ou le croisement des deux, parce que, comme je l'ai dit précédemment, le croisement des deux est finalement ce qui est le plus intéressant, puisque on a à la fois du renseignement sur la valeur animale, mais aussi sur la valeur ethnographique. Mais non, il n'y a pas plus de précision à dire. On va continuer notre étude pour savoir si on va poursuivre ça avec d'autres oiseaux. Non, ça a l'air d'être un one shot pour le coup. D'ailleurs, d'une étude qui est assez courte. Il y a vraiment très très peu de choses à identifier dans cette étude. Je vous ai fait à peu près le très très grand résumé que vous pourrez retrouver bien sûr dans la description, elle est en open access. Eh bien merci beaucoup. Voilà. Eh bien, après avoir été dans les falaises avec les jipaètes, on va prendre le large ou se promener sur un pont, on ne sait pas. Deuxième partie juste après ça. Alors Sophie, on va traverser un pont. Mais lequel ? Exactement. Alors, un pont qui n'est pas là encore, donc faut l'imaginer, hein, mais je compte sur votre imagination. Après tout, nous sommes en podcast, il n'y a pas d'image. Imaginez donc un pont de plus de 3 km reliant la Sicile à l'Italie, donc au niveau de la Calabre. C'est le point le plus court entre l'île de Sicile et l'Italie, et c'est l'endroit où le gouvernement italien a décidé de faire construire un pont. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ce pont-là aujourd'hui ? D'agressivité quelque part dans cette fin de phrase, je trouve, Sophie. Beaucoup d'agressivité, tu crois ? Un petit peu. Un petit peu. Oh, pas tant que... Pourtant, non ? Bon. En tout cas, ce pont-là, on va en parler. Pourquoi ? Parce qu'il a une importance écologique et surtout une importance ornithologique. Même avant sa construction, les discussions vont bon train. Alors, pour vous faire un petit peu l'historique et pour vous expliquer un petit peu là où il va se trouver, on est dans ce qui s'appelle le détroit de Messine. C'est un point géologique qui est très très particulier parce que c'est une sorte de corridor donc entre la Sicile et la Calabre, donc en Italie. Et ce corridor-là est caractérisé par une faune et une flore et que ce soit marine d'ailleurs, vu que c'est un détroit, donc il y a de l'eau, hein, y a la mer qui passe, ou terrestre, des animaux et des plantes qui sont assez incroyables. On a toute une biodiversité dans cet endroit-là qui est très très riche, très fournie, et on a beaucoup d'espèces qui y vivent et beaucoup d'espèces qui y passent. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des points de passage d'une des routes de migration les plus utilisées en Europe. Et cet endroit voit passer tous les ans plus de 300 espèces d'oiseaux différentes, d'espèces d'oiseaux différentes lors des routes de migration, donc au printemps et en automne. Donc c'est l'endroit qui va permettre de remonter d'Afrique lorsque les oiseaux reviennent de leur migration actuelle et d'y aller lorsque les oiseaux y partent en automne. Alors, c'est pas l'endroit donc qui est dépourvu d'intérêt ornithologique. Il y a beaucoup d'ornithologues amateurs qui s'y retrouvent tous les ans pour aller voir les oiseaux passer, les différentes espèces. On sait plus ou moins à quelle période chaque espèce passe d'ailleurs dans ce détroit. Et c'est toujours très intéressant à observer. Et on a aussi d'autres intérêts géologiques à cet endroit-là, parce que on a, alors c'est peut-être un tout petit détroit, mais finalement il y a pas mal de fond, on peut aller jusqu'à 200 mètres de fond sous l'océan, à ces endroits-là, et donc on a des espèces marines qui sont assez intéressantes, parce qu'on peut aller assez profondément, et donc voir des choses qui pourraient s'apparenter à des espèces abyssales, ce qui est quand même pas si mal non plus. Donc il y a beaucoup, beaucoup de diversité, que ce soit au niveau des oiseaux. Abyssal, ouais, à cette profondeur de 200 mètres ? Oui, parce qu'il y a effectivement beaucoup de courants qui passent, et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont charriées dans ce détroit, et il n'est pas rare que sur les côtes de Sicile et sur les côtes de la Calabre, on retrouve des espèces échouées qui viennent justement des abysses. Waouh ! Ok. Ouais. Donc c'est vraiment un endroit où on peut observer des tas et des tas de trucs. Alors au niveau de la vie aquatique, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de baleines qui passent, il y a aussi des requins, il y a plein d'autres trucs, que ce soit des gros poissons comme du thon par exemple, ou de l'espadon, ou plein de choses comme ça qui vont y passer. Hein. C'est pas parce que c'est tout petit, ça fait effectivement 3,6 km, il me semble, exactement, entre la Sicile et la Calabre, donc c'est pas énorme pour le point le moins large de ce détroit. Mais c'est un endroit où il y a vraiment, vraiment beaucoup de vie, ça fourmille de vie à cet endroit-là. C'est assez impressionnant, et c'est vraiment une route migratoire de premier plan. Donc, c'est pour ça que toutes les constructions que vous faites à cet endroit-là, ça va avoir un impact écologique important. Alors, ce projet de pont entre la Sicile et la Calabre, il date pas d'hier. Parce qu'évidemment, c'est pas le gouvernement actuel qui a été le premier à décider qu'il ferait bien quelque chose pour relier les deux endroits. C'est quand même plus simple quand vous pouvez marcher à pied sec entre deux trucs sans avoir besoin de prendre le bateau. Et puis surtout pour 3 km, tu peux dire, on peut peut-être construire quelque chose. Alors, 3 km quand même, si vous voulez faire un pont, c'est pas rien. Hein. C'est 3,6 km, en l'occurrence. C'est un gros pont, hein. C'est le projet de pont qui se fait en ce moment, c'est un projet de pont suspendu avec deux énormes pylônes de chaque côté qui vont supporter des kilomètres donc de câbles. Et ce sera, si ça arrive à terme ce projet, le pont suspendu le plus long de la planète. Donc c'est pas n'importe quoi quand même. Okay. Et oui, et oui, oui, oui. Oui, parce que les ponts suspendus, il n'y en a pas 36, en fait. Non, c'est vrai. Donc, c'est pas... Voilà. Donc, ça risque d'être ça à terme, si jamais ça se fait. Le projet a été lancé... Alors, il me semble que c'était le 6 août de cette année que ça a été signé pour qu'effectivement, le projet se fasse. C'est la première fois que quelque chose est effectivement signé pour que ce pont se fasse. Il y a eu pas mal de projets précédemment. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut remonter très très loin, parce qu'à l'époque romaine, déjà, il y avait eu une tentative où on avait essayé de faire un pont avec des tonneaux flottants et des planches pour faire passer de la Sicile à la Calabre le monde qui voulait se balader, pour ouvrir notamment les voies commerciales. Se balader sur des tonneaux, non, pourquoi pas. Faire le pont, je pense que ça aurait été beaucoup moins perturbant pour... Tu crois? Un petit aqueduc aussi avec? Ah, pourquoi pas, je sais pas. En tout cas, du coup, c'est pas nouveau, hein, cette histoire de pont entre les deux. Sauf que le problème, c'est que l'endroit est pas simple pour faire un pont. Comme je te l'ai dit, il y a des endroits où on atteint les 200 mètres de fond quand même, ça va demander un petit peu de construction, donc c'est pour ça qu'ils sont partis sur un pont suspendu, on pouvait pas vraiment aller faire des piliers tout du long. Et puis, le problème, c'est que la zone est très très active sismiquement. Et oui, donc il y a beaucoup de tremblements de terre, il y a beaucoup de ce genre de choses, de séismes, et tout ce qui est construit sur place risque à un moment à l'autre de s'effondrer. Et puis l'Etna... Donc ça demande certaines constructions, oui, en plus, donc ça demande certains types de constructions, si vous voulez que ça dure dans le temps, mais c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Donc ça a été aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup d'architectes s'y sont cassés les dents au fil des ans, et que ce n'est que récemment que le projet a pu voir le jour, ou du moins est censé voir le jour très bientôt, notamment à cause de ses activités sismiques. L'autre souci, évidemment, c'est l'activité biologique qu'on a tout autour de cette zone, parce que il y a beaucoup de gens qui commencent à dire « Attendez, vous vous rendez compte que si vous commencez à construire un tel ouvrage, vous allez évidemment... gêner tout ce qui se passe dans la région, parce que entre les espèces d'oiseaux qui migrent et qui vont se prendre dans les pylônes que vous allez construire et dans les câbles, parce que c'est quelque chose qui va quand même s'étendre sur plusieurs centaines de mètres en hauteur, vous imaginez bien que ça risque de gêner un petit peu tout ce qui passe. Et les oiseaux, dans la migration, ils sont quand même assez fatigués quand ils passent en migration. C'est pas toujours simple pour eux d'éviter les collisions. Donc ils supposent, du moins dans les statistiques les moins optimistes, on va dire, certains supposent que jusqu'à 40% des oiseaux pourraient facilement se prendre les poteaux. D'accord. Oui. des oiseaux qui migrent, hein, j'entends, pas des oiseaux qui sont sur place à l'année, parce que ceux-là vont apprendre rapidement à éviter les poteaux. Mais ceux qui migrent et qui n'ont pas l'habitude de les voir risquent de se les prendre de plein fouet. Sans compter les câbles, évidemment, qui seront suspendus entre les poteaux d'un côté et l'autre. Donc ça va occasionner quelques problèmes, et donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de protestations, et de, pas de grèves, mais en tout cas de marches en Italie pour protester contre le pont, et contre la construction du pont, sans succès vu que la chose a été signée dernièrement. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler un petit peu, parce que voilà, c'est quelque chose qui fait débat, c'est quelque chose qui sera très intéressant économiquement parlant, parce que le pont va comporter un côté voiture, évidemment, mais aussi un côté train, ce qui va permettre de le connecter au réseau européen de voies ferrées, et ce qui va permettre de raccorder la Sicile à ce réseau européen. Donc économiquement parlant, c'est toujours beaucoup plus intéressant, parce que ça permet la circulation des marchandises et des hommes beaucoup plus facilement que par navire, et beaucoup plus rapidement. Bon, est-ce qu'on est en train d'échanger le côté économique pour le côté écologique? Voilà, c'est la question à se poser. Ça a l'air d'être le cas. Après, Ça a l'air d'être le est-ce cas. qu'ils se sont posé cette question, nos chers architectes, de savoir comment ils allaient mitiger justement les problèmes liés notamment aux collisions? Est-ce qu'ils ont des idées? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises sur la table? Visiblement, tu n'en as pas parlé, donc ça veut dire non. Non, Mais... pour le moment, ce n'est pas encore, en tout cas, rien n'a été exposé à ce niveau-là, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Tout ce qu'on sait, c'est que le projet va excéder à peu près, alors il disait, c'est de l'ordre de 13 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Donc on est Bagatelle. sur un gros projet, mais qui devrait ramener pas mal de sous à l'Italie, parce qu'en connectant à la Sicile le reste du réseau, et ben ça permettrait évidemment de faire augmenter le PIB par habitant, etc. Donc on espère, enfin c'est ce que eux ils espèrent que ça va booster un peu l'économie de la Sicile et l'économie de l'Italie en entier. Je sais pas si ça va marcher, mais en tout cas ils n'ont pas prévu de solution pour mitiger les dommages que ça va faire à l'écosystème. Pour l'instant, je n'en ai pas entendu parler. Voilà. On verra bien. On verra bien. C'est quand même un point important. Comme j'ai dit, c'est quand même un des couloirs de migration les plus importants en Europe. Donc, ce serait dommage de le perdre. Surtout comme on en a parlé encore au début de cet épisode avec les problèmes de conservation des espèces qui disparaissent, etc. Bon, bah, je crois quand même bien de préserver ces endroits-là, au minimum. Je sais que c'est pas pratique de prendre le bateau tous les jours si on veut faire les allers-retours, mais enfin, c'est peut-être moins dangereux, moins délétère. À voir. Ça, je sais pas du tout. Est-ce qu'on sait qui justement organisait ces marches? Bon, évidemment, il y a des naturalistes dans l'eau, mais est-ce qu'il y a des habitants aussi de la Sicile qui participaient aussi à ces marches? Est-ce qu'on connaît un peu la composition de cette opposition? Non, pas exactement. Du Ok. moins, j'en ai pas eu vent pour l'instant. Beaucoup de gens intéressés par la protection de l'environnement, c'est sûr, mais à part ça, y a pas. Je crois qu'il y a beaucoup de. Bon, la LPO, évidemment, avait fait partie de l'affaire, le WWF, il me semble, mais à part ça, j'ai pas énormément de sources sur où ça s'est passé et comment et avec qui. Y a pas énormément de détails là-dessus. Bon, eh ben, Beaucoup d'associations du même style, ça c'est sûr. advienne que pourra de ce pont, on en reparlera peut-être dans le courrier de la Sterne dans un prochain épisode. À mon avis, il va falloir du temps hein, pour le construire, hein, donc c'est pas Oui, demain c'est la pas veille prévu pour tout de que suite, voilà, c'est pas non. demain la veille qu'on en reparlera. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, on verra. Mais Oui, 5 ans certainement. Après, faut voir aussi que toutes les opérations de construction elles-mêmes peuvent facilement aussi être très délétères pour les espèces qui sont absolument, locales cette fois-là. totalement. Et ça pourrait être un autre souci, avec possiblement un déplacement de certaines populations si le dérangement est trop important. À voir comment ça se passera. J'espère qu'ils vont mettre en place des solutions pour mitiger tout ça. Mais bon, ça pour le moment, je peux pas dire. Ils ont l'air plus intéressés par l'aspect financier qu'autre Ah chose. ben, tu sais bien que l'argent est le nerf de la guerre, Sophie. C'est pour ça qu'on donne une valeur Oui. monétaire aux oiseaux maintenant. C'est sinon, on ne prendrait même pas l'occasion de le faire. Oui, Donc, c'est sûr. C'est sûr. malheureusement, hein, c'est comme ça. Et enfin bref, parce qu'un peu dommage quand même, c'est que les pauvres espèces qui passent par ce détroit vont passer de Charib en Scylla en quelque sorte, vu que il y a encore pas si longtemps que ça, à cet endroit-là, il y avait beaucoup beaucoup de braconnage qui s'effectuait justement lors du passage de ces espèces migratrices juste dans ce détroit, parce qu'elles passaient toujours par cet endroit-là, et donc c'était assez facile à piéger lorsqu'on voulait avoir une certaine espèce d'oiseau. Et depuis que quelques années le braconnage finalement arrive à s'éteindre peu à peu, maintenant on leur balance ce projet de pont dans la face. Cette plaie Et d'Égypte. Et voilà. Et je sens que ça va. Voilà. À chaque fois il y a quelque chose de nouveau de toute façon. Bon, c'est toujours pareil. Bref. Bah, c'est sur Voilà. cette mauvaise nouvelle, sur ce pont trop loin, que nous allons nous quitter, Sophie. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir écoutés dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On rappelle, podcast sur les oiseaux, vous nous retrouvez toutes les semaines. Vous nous retrouvez toutes les semaines sur toutes les plateformes de streaming, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur PodCloud, vous nous retrouvez un petit peu partout. Vous nous retrouvez également sur YouTube, si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des interrogations, si jamais vous voulez découvrir les différentes sources que nous nous avons utilisé pour l'émission. Ce sera à retrouver ici. Ce sera d'ailleurs à retrouver en podcast, puisque la description est la même de l'épisode sur YouTube, de l'épisode en podcast. Donc je sais pas pourquoi je pars dans une longue palabre pour dire exactement la même chose. Ceci étant dit, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Prenez soin de vous. Salut à tous et salut à toutes. À plus.